Les découvertes musicales de Fadjet. Des sonorités 80s maintenant avec ce titre de Up to You, artiste japonaise aux multiples facettes. Voici Rain. C'était Wayne de l'artiste japonaise Up To You. Retrouvez les infos sur notre site fadjet.net, rubrique Les découvertes musicales.